Ici Jacques Beauchamp. Aujourd'hui, l'histoire, la relation tumultueuse entre Jean-Paul Sartre et Albert Camus. Alors, à la différence de Sartre, qui trouvait toujours des querelles très amusantes, moi, je me souviens de Sartre sortant de querelles, il se tapait sur le ventre, pratiquement. Camus, lui, on le voit à travers ses lettres, à travers ses carnets, à travers les témoignages de ses amis, était blessé. Mais il était blessé aussi pour une raison qui n'est pas typiquement française. Il se mettait en question, Camus, sans arrêt. Il doutait de lui-même. Et Camus, par certains côtés, prêtait le flanc. L'amitié entre Sartre et Camus tournera au vinaigre au moment de la publication par Camus de L'Homme révolté. Et si cette querelle amuse ou du moins stimule Sartre, comme le dit Olivier Todd, le biographe de Camus, dans cet extrait de l'émission Dimanche Magazine en 1993, pour Camus, cette rupture est une blessure profonde qu'il va porter jusqu'à sa mort. Mais cette rupture entre Sartre et Camus marquera aussi toute une génération d'intellectuels de gauche français. Être Sartre ou Camus, telle deviendra bientôt la question. Sartre et Camus se sont connus par la littérature et un peu par la résistance. Ils sont souvent finis à 2h, 3h, 4h du matin dans des cafés qui sont devenus célèbres, qu'on a considérés comme des cafés existentialistes. Et Sartre était le centre. Camus était à ce moment-là un personnage, un écrivain de talent, mais enfin qui n'avait pas la même influence. Et puis, avec les années, la tension de la guerre froide qui va monter, Sartre prend à ce moment-là le parti de l'Union soviétique et Camus lui dit « je prends le parti de la vie, je suis contre une nouvelle guerre, la révolte aujourd'hui c'est de se révolter contre la guerre ». Le grand problème qui les a coupés, c'est qu'à ce moment-là on commence à découvrir les camps soviétiques, camp de concentration. Sartre ne le niait pas. Simplement, il avait dit qu'il ne faut pas désespérer Billancourt, c'est-à-dire la classe ouvrière, et il ne faut pas la désespérer en disant que les Russes ont des camps de concentration. Et alors que Camus a dit, mais on a dénoncé hier les camps de concentration allemands, et on doit dénoncer de la même manière les camps soviétiques. L'homme politique de gauche, Roger Quilliot, dans le documentaire Albert Camus, un combat contre l'absurde, réalisé par James Kent en 1996, pour nous raconter les hauts et les bas de cette relation entre Sartre et Camus. Mon invité, Jocelyn McClure, qui est professeur de philosophie à l'Université Laval de Québec. Jocelyn McClure, bonjour. Bonjour. D'abord, où ils en sont, Sartre et Camus, au moment de leur rencontre, chacun déjà est connu. Comment résumer le parcours de chacun à ce moment-là? Oui, ils ne sont pas exactement au même endroit dans leur parcours. Hein. Sartre est de 8 ans l'aîné de Camus. Il est déjà plus établi. Hein. C'est un normalien qui a fait l'école normale en philosophie, maire de sa cohorte avec de Beauvoir. Donc, il est connu dès 1936 avec des ouvrages philosophiques plus techniques. Puis, en 1938, avec La Nausée, hein, ce roman existentialiste hein, qui a quand même fait beaucoup parler, qui est assez bien reçu par la critique. Sartre est déjà rendu là, alors que ça a été beaucoup plus difficile pour Camus au départ, hein, qui vient donc de l'Algérie. Hein, c'est un pied noir d'une famille très pauvre. Dans sa jeunesse, donc, il est atteint de tuberculose. Hein, il doit composer avec cette maladie. Il a étudié en philosophie aussi, mais il n'est pas reçu à l'agrégation, entre autres en raison de son état de santé, parce qu'un professeur devient fonctionnaire ensuite. Donc, il faut qu'il se trouve un gagne-pain. Oui. Puis il commence, il fait un peu de théâtre, il fait du journalisme. Mais il a des ambitions littéraires. Il publie L'Envers et l'Endroit en 1936-37, je pense, qui est reçu dans l'indifférence. Et c'est vraiment en travaillant sur l'étranger, ce roman L'étranger, qu'un de ses amis donc envoie à Malraux, qui est déjà bien établi à cette époque-là. Le manuscrit se rend dans la famille Gallimard et on accepte de le publier en 1942. Puis c'est là où ça prend la carrière littéraire de Camus prend son envol avec L'étranger qui est très bien reçu. Donc pas tout à fait encore au même niveau dans leur parcours, mais déjà deux figures connues. Évidemment, Sartre, c'est une grande figure intellectuelle déjà. C'est déjà le Sartre de l'existentialisme et de Saint-Germain-des-Prés. Ils se connaissent connaissent donc, parce que ils ont publié, chacun se connaît mutuellement, connaît l'œuvre de l'autre avant leur rencontre. Exactement, c'est ça qui m'a frappé en replongeant dans les biographies des deux hommes. Ils se sont lus avant de se rencontrer. Camus d'abord a fait donc publier deux recensions critiques, d'abord de La Nausée et ensuite du recueil Le Mur de Sartre, lorsqu'il est encore en Algérie. Ça a été un peu un électrochoc pour Camus, qui se cherchait encore, qui cherchait sa voix. Il le dit que chez Sartre, la littérature perd au profit de la philosophie. Ouais. Donc, la philosophie s'impose, mais il reconnaît l'audace, l'extraordinaire ambition, la vision philosophique, la voix tout à fait unique et le grand, grand potentiel de Sartre. Il le reconnaît déjà. Et Sartre, lui, lit à la fois L'Étranger et Le Mythe de Sisyphe, qui a été publié quelques mois après L'Étranger, qui est un peu le traité, l'essai philosophique qui vient avec L'Étranger pour expliquer la philosophie camusienne de l'absurde. Et Sartre, donc, fait une critique très, très scolaire, très académiques d'une vingtaine de pages où il salue ses ouvrages en évidemment en reprenant Camus sur certaines notions philosophiques, mais une réception positive aussi. Là, Le lien est déjà là, de manière interposée. La sympathie aussi. Oui. L'un et l'autre ont une certaine sympathie pour l'autre. Quand et dans quelles circonstances se produit la fameuse première rencontre, Jocelyn Mathelure? Oui, c'est ça. Donc, après le succès de L'Étranger, la bonne réception, Camus s'en va à Paris. On est en plein dans le Paris, en sous l'occupation. Puis il s'installe là. Puis en 43, à la première des Mouches, la pièce de théâtre de Sartre, Camus va se présenter à Sartre. Ils font rencontre pour la première fois en personne. Les deux se connaissaient avant de par leur écrit. Puis je pense que dès le départ, une camaraderie s'est installée, une amitié s'est installée entre les deux. Je pense que donc Camus est reçu dans la famille sartrienne d'une certaine façon. Sartre aimait bien se discuter avec Camus, passer des soirées dans les cafés de Saint-Germain-des-Prés avec lui. Et là, c'est parti, parce que c'est ce qui va se passer. Ils vont se côtoyer, mais vraiment très régulièrement. Absolument, exactement. Camus fait de plus en plus partie du clan. Je pense que Sartre aime beaucoup Camus. Il trouve des choses chez Camus qu'il n'a pas lui-même ou qui sont différentes de son expérience. Donc, évidemment, il y a des points communs entre les deux. Les deux ont perdu leur père très, très tôt, n'ont pas connu leur père. Les deux ont des ambitions à la fois littéraires et philosophiques. Les deux ont des philosophies de l'existence, un peu différentes, mais quand même assez avec plusieurs convergences. Mais il y a aussi des différences qui fascinent Sartre, je pense. Donc, d'abord, le passé en Algérie de Camus. Sartre était grandi dans une famille très lettrée, très bourgeoise, ce qui est tout à fait le contraire de chez Camus. Puis, donc, Camus vient vraiment du prolétariat, d'une certaine façon. Aussi, Camus, Sartre parle souvent de son apparence physique, de sa laideur, entre autres, dans son très beau livre autobiographique, Les Mots. Puis, Camus, lui, plutôt bel homme, il a du succès auprès des femmes, et ainsi de suite. Donc, Sartre est plutôt fasciné. Les deux ont une belle camaraderie. Puis, je pense que pour Camus, c'est une sorte de validation d'être accepté dans le cercle de Sartre et de Beauvoir. Vous parlez, justement, Beauvoir, venons-y, vous parliez du succès de Camus auprès des femmes. Beauvoir, c'est la compagne de Jean-Paul Sartre. Quel genre de rapport s'installera entre Beauvoir et Camus? Oui, donc ça, c'est une bonne question. C'est une relation qui est marquée au coin de l'ambiguïté. Je pense que, les deux s'apprécient, aiment passer du temps ensemble, mais aussi... du moins, selon de Beauvoir, il y aurait une rivalité qui se serait installée entre les deux. Donc, face à Sartre. Oui, face à Sartre. Donc, Sartre est au centre, puis on rivalise pour son attention, son affection. Donc, de Beauvoir se méfie aussi, en quelque sorte, de Camus. Elle est à la fois charmée et parfois méfiante de Camus, entre autres aussi d'un point de vue strictement idéologique. Elle sent chez Camus des libertés par rapport à l'orthodoxie, je pense, existentialiste. Donc, il y a une méfiance entre les deux qui s'installe. En tout cas, c'est pas une relation qui est simple. Ouais. Les premières divergences entre Camus et Sartre apparaissent autour de 46-47. Il y a déjà une critique dans la revue Temps moderne que dirige Sartre de la pensée de Camus. Mais le point de rupture, c'est vraiment la publication par Camus de L'homme révolté. Que dit, au début des années 50, que dit Camus dans ce livre-là, Jocelyn Mathelure? Oui, donc on est en 1951, Camus publie L'homme révolté, puis effectivement, dès 1946, il a commencé à avoir des divergences entre Sartre et Camus sur l'attitude à adopter par rapport au régime bolchevique en Union soviétique, les camps, les procès politiques et ainsi de suite. Mais c'est vraiment en 1951 que la rupture s'impose. Donc, dans L'homme révolté, c'est un traité, c'est une philosophie. Après la philosophie de l'absurde du mythe de Sisyphe, ça, c'est la philosophie de la révolte de Camus. C'est une révolte contre l'absurde. Hein? L'être humain ne peut pas faire autrement que de poser des questions métaphysiques, cherche le sens de la vie, est-ce que quelque chose transcende notre existence matérielle, mais le monde ne répond pas. Hein? Le monde est sourd, silencieux par rapport à nos questionnements. Puis plutôt que de sombrer dans le nihilisme, il faut plutôt se révolter contre cette absence de sens. Puis par la révolte, donc on pourrait donner un sens à notre vie. Puis c'est aussi une révolte qui est morale et politique. Il y a des injustices, il faut toujours se révolter, mais on le fait sans certitude. On ne peut pas compter sur la certitude hein, que la révolution hein, va vraiment être couronnée de succès, et ainsi de suite. Donc, on se révolte, mais chez Camus, c'est toujours en demeurant lucide hein, que quand on choisit, il y a aussi des coups, puis il faut faire attention. Donc, quelles sont les victimes de ces différents choix politiques hein? Puis c'est là où la distance avec Sartre commence à s'imposer. Une révolte qui ne se fasse pas dans la violence. Exactement. Aussi. Ça, c'est central pour Camus. Sartre, on y reviendra à la divergence, mais c'est plus la fin justifie les moyens. Il y a un idéal à atteindre et il y aura des victimes chemin faisant. Ouais. Ça, évidemment, cette œuvre, L'homme révolté, dérange énormément Sartre et toute sa bande du magazine Les Temps modernes. Sartre va confier à Janson, à Francis Janson, la critique de L'homme révolté. On écoute justement Francis Janson expliquer le contexte qui va conduire à cette célèbre critique, extrait du documentaire Albert Camus, Un combat contre l'absurde. Le propos de L'homme révolté était de substituer à toute idée, à toute recherche du type action révolutionnaire, une conception de la révolte qui nous apparaissait un peu trop abstraite. Idéaliste et hors de propos, je veux dire, n'embrayant pas sur la réalité. Et donc, au temps moderne, nous nous sommes posé la question, dès ce moment-là, du compte-rendu que nous étions évidemment tenus d'en faire. Et puis, personne ne voulait, aucun d'entre nous ne voulait s'en charger. Et ça a duré environ 6 mois. Et Sartre a tranché en disant il faut que ce soit Janson qui le fasse. Il a trouvé un argument qui me paraissait bizarre, en disant que au moins je le ferai poliment. Je pense que je l'ai fait poliment, mais je l'ai fait durement. Qu'écrira donc Francis Janson, Jocelyn Maclure, dans cette fameuse critique de l'homme révolté? Alors, il y a une critique de Camus, le philosophe. Hein. D'abord, on dit que Camus n'a pas lu les auteurs qu'il cite, ainsi de suite. Mais plus fondamentalement, c'est sur le rapport à la révolution, puis à l'usage hein, de la violence, parfois qui est nécessaire lorsqu'on veut faire la révolution. Il y a un grand désaccord à ce sujet-là. C'est ça qui semble être idéaliste chez Camus, du côté de Sartre et Janson. C'est désincarné, c'est ce que disait Janson. Là. Ils ont l'impression que Camus, c'est complètement rêveur. Ouais, il y aurait de grandes dynamiques à l'œuvre, hein, des dynamiques économiques et politiques. Et puis pour les renverser, mais ça prend des actions fortes. Puis on ne peut pas penser le changement radical sans en casser des œufs d'une certaine façon. Hein. Donc on accepte qu'il va y avoir aussi des victimes hein, dans ce processus, mais qu'elles sont nécessaires si on est sérieux lorsqu'on dit qu'on veut faire la révolution et remplacer le capitalisme. Donc c'est ça qui serait idéaliste chez Camus. Camus va répondre, évidemment, non pas Janson, mais directement à Sartre, qu'est-ce qu'il va lui dire? Alors, lettre de 20 pages. Non, oui, une très longue lettre. Camus est blessé. Il contourne complètement Janson. Hein, il le traite un peu comme le porte-voix de Sartre. Donc, il s'adresse directement à Monsieur le directeur Sartre. Au fond, Camus dit plusieurs choses. Hein, il relève des contradictions entre l'existentialisme de Sartre et le marxisme et le déterminisme marxiste, ainsi de suite. Mais aussi, il dit qu'il est, au fond, là de se faire critiquer, donc de se faire donner des leçons d'efficacité par des censeurs qui n'ont fait que mettre leur siège dans le sens de l'histoire. Hein. Il dit quelque chose comme ça. Donc là, il en a assez de se faire donner des leçons de radicalisme par des gens qui, au fond, écrivent, hein, on défend des idées radicales dans les cafés de Saint-Germain-des-Prés. Puis ça, c'est une allusion qui est un peu dure aussi, hein, au fait que, bon, Camus s'est engagé pendant la résistance, hein, avec une fausse identité, il travaillait comme journaliste au péril, hein, vraiment, littéralement de sa vie, alors que Sartre, ça a été plus timide, son engagement. Camus s'est engagé auprès du Parti communiste, même en Algérie, donc il est tombé dans la politique plus tôt que Sartre, donc il n'a pas envie de se faire donner des leçons par des intellectuels, au fond, qui défendent verbalement, ouais, théoriquement des idées. Des révolutionnaires qui vivent un petit peu dans le velours. C'est un peu ça l'idée, au fond, de Camus. Ouais. Évidemment, Sartre va également répondre, sa demande-réponse, cette attaque de Camus. On écoute un extrait de la réponse assassine que Sartre va adresser à Camus, lu par Jean Brousseau à l'émission Documents en 1978. Mais dites-moi, Camus, par quel mystère ne peut-on discuter vos œuvres sans ôter ses raisons de vivre à l'humanité? Par quel miracle les objections que l'on vous fait se changent-elles sur l'heure en sacrilège? Et si votre livre témoignait simplement de votre incompétence philosophique, s'il était fait de connaissances ramassées à la hâte et de seconde main, s'il ne faisait que donner une bonne conscience aux privilégiés, comme pourrait en témoigner le critique qui écrivait l'autre jour, « Avec M. Camus, la révolte change de camp. » Et si vous ne raisonniez pas très juste, si vos pensées étaient vagues et banales, et si Janson, tout simplement, avait été frappé par leur indigence, si loin d'obscurcir vos radieuses évidences, il avait été obligé d'allumer des lanternes pour distinguer le contour d'idées faibles, obscures et brouillées. Je ne dis point que cela soit, mais enfin, ne pouviez-vous envisager un seul instant que ce pût être? C'est vraiment coup pour coup, mais c'est très, très cinglant, c'est cinglant, la réponse de Sartre. Oui, très, très, très dur. L'amitié, c'est terminé, c'est scellé. Le sort de l'amitié est scellé là. En plus de mettre en doute ses compétences de philosophe, hein, Sartre dit à Camus, au fond, vous refusez de distinguer résolument entre les oppresseurs et les opprimés, puis ce faisant, vous donnez plus la possibilité de penser véritablement la révolution qui va permettre donc la libération des opprimés. Hein. Donc ça, Camus est un peu présenté comme une belle âme, comme un humaniste un peu naïf, c'est ça, qui, au fond, réalise plus qu'effectivement, il peut y avoir des victimes d'un côté comme de l'autre, mais les choses ne sont pas égales. Hein. D'un côté, les injustices sont beaucoup plus lourdes, puis ça prend une action décisive, hein, pour renverser, au fond, cet ordre des choses. Ce qui est fascinant avec le recul, et ça nous en dit beaucoup sur la France, c'est que cette querelle entre ces deux grandes figures, Sartre et Camus, va être très médiatisée. Oui. Je le disais, la lettre de Camus, c'est 20 pages. Oui. C'est publié dans les temps modernes. En fait, tout l'échange va être publié. Non seulement ce magazine pointu publie cet échange, la presse généraliste s'en parle. Tout le monde parle de ça. Le Monde en fait sa une. Oui. En disant, voilà, querelle, on commente un peu qui est en train de gagner cette affaire-là. Et de fait, qui, à l'époque, qui gagne dans cette querelle? Je pense que c'est le camp sartrien qui a gagné à court terme, du moins auprès des intellectuels de gauche. Hein. Sartre est vraiment la figure intellectuelle dominante à l'époque. Lorsqu'on s'y frotte, on perd des plumes. Puis on est dans le contexte de la guerre froide, hein, il faut le dire. Sartre nous dit, au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, il faut choisir son camp. Il n'y a pas de compromis possible. Et il va même dire une phrase assez malheureuse, hein, que le communisme est l'horizon indépassable de notre époque. Donc il faut choisir, quitte, hein, à faire justement des victimes. Donc c'est clair, hein, c'est assez manichéen de la part de Sartre. Mais je pense qu'à court terme, il a gagné et on soupçonnait Camus d'être devenu trop presque réactionnaire ou trop près de la droite. Ça nous en dit beaucoup aussi sur la classe intellectuelle de gauche en France à ce moment-là. Oui, on est en pleine guerre froide, mais autant on reprochait à Camus d'être un peu naïf, autant avec le recul, on se dit, mais il y avait chez Sartre et ses disciples un aveuglement, c'est ce que leur reproche Camus, face aux horreurs du stalinisme qui sont commises en URSS à ce moment-là. Absolument. Nous qui avons le bénéfice de la rétrospection. Donc, ça paraît absolument clair aujourd'hui qu'il y avait un aveuglement très fort, une forme de dogmatisme très prononcé, puis une vision aussi qui était très désincarnée. Au nom de l'histoire avec un grand H, on refusait de porter attention aux événements historiques réels qui survenaient à ce moment-là, alors qu'on savait qu'il y avait des procès politiques, on savait qu'il y avait des déportations massives, on savait que ceux qui étaient soupçonnés d'être dissidents étaient envoyés au goulag, et ainsi de suite. Donc ça se savait. Même avant la rupture Sartre-Camus, il y avait eu la rupture Sartre-Aron aussi, puis plusieurs avaient choisi d'avoir tort avec Sartre plutôt que d'avoir raison avec Aron. Donc ça témoigne de cet aveuglement dogmatique sur une partie de la gauche française. Et cet aveuglement, pour l'anecdote, mais c'est que Sartre et d'autres allaient se pavaner à Moscou, à Cuba. C'était très... On était soviétique et communiste avec tout ce que ça voulait dire. Il meurt, Albert Camus, dans un bête accident de voiture le 4 janvier 1960. À sa mort, Jean-Paul Sartre lui rendra hommage dans un texte dont voici un extrait, lu cette fois-là par Georges Claes à la Radio française en 2010. L'accident qui a tué Camus, je l'appelle scandale. Parce qu'il fait paraître au cœur du monde humain l'absurdité de nos exigences les plus profondes. Il y a dans cette mort une absurdité insupportable. Mais il faudra apprendre à voir cette œuvre mutilée comme une œuvre totale. Dans la mesure même où l'humanisme de Camus contient une attitude humaine envers la mort qui devait le surprendre, dans la mesure où sa recherche orgueilleuse du bonheur impliquait et réclamait la nécessité inhumaine de mourir, nous reconnaîtrons dans cette œuvre et dans la vie qui n'en est pas séparable, la tentative pure et victorieuse d'un homme pour reconquérir chaque instant de son existence sur sa mort future. Que nous dit cette lettre de Sartre, Jocelyn Maclure, sur le regard que va ultimement poser Sartre sur Camus? Oui, c'est un superbe texte, comme Sartre pouvait parfois les écrire, puis on se surprend à penser que on aurait aimé que Sartre ait la grandeur d'âme pour exprimer ça à Camus avant sa mort, parce qu'ils se sont jamais reparlés. Mais il y a un moment de lucidité là chez Sartre qui réalise que ce qu'il appelle l'humanisme têtu Camus, au fond, ça a été une sorte de boussole morale pour Camus, qui a fait dire à Camus à certains moments non. Il y a des choses qu'on ne peut pas accepter au nom d'une conception idéale de la justice ou de certains idéaux. Puis ça, Sartre n'a pas eu cette boussole morale-là, mais il la reconnaît dans ce texte-là. Malheureusement, ça lui a échappé plusieurs fois par la suite à Sartre, qui a épousé, qui a flirté avec le maoïsme plus tard, et ainsi de suite. Mais il y a eu un grand moment de lucidité là, chez Sartre, me semble-t-il. À l'époque, Sartre, c'est vraiment le diamant qui brille le plus intensément, mais finalement, aujourd'hui, c'est Camus qui est le plus lu, qui est la figure la plus, entre guillemets, populaire. Oui, oui. D'un point de vue littéraire, c'est clair. Le Sartre n'a pas l'équivalent de L'étranger et de La peste. Donc ça me semble évident. D'un point de vue philosophique, la philosophie de Sartre demeure étudiée dans les départements de philosophie. Mais d'un point de vue politique, c'est vrai, ce qu'il y a de formidable chez Camus, c'est qu'on réalise qu'on est dans un univers qui n'est pas dénué de sens, mais les valeurs sont multiples et souvent contradictoires. Puis il faut faire des choix. Il y a toujours une perte, puis il faut souvent faire des compromis. Et Camus avait déjà compris ça, qu'il faut... Souvent, la modération s'impose. Jocelyn Maclure, professeur de philosophie à l'Université Laval, c'est un vrai bonheur de vous recevoir. Merci beaucoup. Merci à vous. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou en vous abonnant à notre balado-diffusion. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.